Le bel archet, c'était ceux qui étaient payés à l'heure, ce contremaître. J'ai toujours entendu dire par mon père qu'il n'était pas rentable, tellement qu'il était lent. Mais ce qui lui sortait des doigts, on pouvait se mettre à genoux devant. Celui qui a signé Louis Bazac à la mairie, ah oui. Ben c'est lui. Ah oui. Et j'appelle ça les plus beaux Louis Bazac.